passe pas de cauchemar. Un vilain rêve. Jeudi spin c'est terminé, nouvelle journée je dois recommencer. Arrêtez de me lamenter, de gaspiller ces jours inutilement. Merci à toi de m'avoir aidé, non pas à toi, à Dieu je parle. Je pars dans le sud, on se rejoint à Arles. Je me lève, beau soleil ça fait plaisir. Envie de sauter de mon lit pour se mettre à l'aise. Petit déjeuner en bord de terrasse, petit chocolat dans ma tasse. Short, jean, chemise, j'ai la classe. J'ai promis d'aller mieux, j'essaie encore de croire en eux. J'essaie encore de croire en l'homme. A trop dérapé, tu as laissé un bout de gomme. Merde, je ressemble à peine quelques verres et je me retrouve dans le noir. Mais bon, je préfère être seul et avancer dans le noir que d'être plusieurs et qu'on me fasse vivre un vrai cauchemar. Alors elle se résume à ça ma vie. Essayer de remettre les points sur les i, les barres sur les t. Je te jure ma princesse tu l'étais. C'est tu as pété ton câble. Et le pire c'est que c'était moi le coupable. Délaissé et enchaîné, t'as dû tout casser pour sortir de mon cœur. Et maintenant que de la rancœur, j'ai loupé de trois wagons, je ne suis plus à l'heure. Mon cœur sans toi c'est comme un bateau sans capitaine. Il est parti à la dérive et a échoué au milieu d'une plaine. Et cette petite voix dans la tête qui chante, elle me ronge de l'intérieur, elle me hante. Et cette petite voix dans la tête qui chante, elle me ronge de l'intérieur, elle me hante. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête. Merci maman, mais je cauchemar toujours. On me dit de plus me lamenter, mais je fais le sourd. Parler de bonheur, je trouve ça lourd. Ranger mon sourire à double tour. J'aimerais faire de mes rimes une vie. Vivre dans la noirceur, au fond, c'est peut-être pas une vie. Mais en tout cas, c'est mon envie. Juste une protection infaillible. Ton flow est comme l'état corruptible. Encore un soir où j'écris mes spleens. Encore un soir où un frère s'en est allé. Je n'ai pas encore trouvé de pourparler. Tu as fini comme les autres brutalisés. Encore une fois, j'ai été scandalisé. J'ai fait le serment d'Hippocrate. Dans ma vie que des hypocrites. La vie va si vite et puis t'as une engraine la mienne. Je voulais pas te faire de mal. Écoute pas ce que disent les chaînes. Déjà qu'on peut finir crucifié en croyant en Dieu. N'espère pas que je vais croire en l'homme. On m'a dit si Carly tu peux croire en eux. Ils ont voulu me faire croquer la pomme. Aucun démoniment ne m'est dédié. Et mon nom sera vite oublié. Qui n'a pas rêvé d'être sous les palmiers. Promis famille je vous y emmènerai. En attendant je dois charbonner. Quitte à rentrer couvert de plaies. Sans que tout le monde vienne vous enterrer. On m'a dit attention ils sont pas prêts. Je ne suis pas un suiveur né. J'ai mes propres idées je crée l'avenir. Dis-moi qui vas-tu devenir. Oui je fais des chansons déprimantes. Je suis fier et je m'en vante. Et je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Toute la haine que tu amènes emmène à la démence. Et cette petite voix dans la tête qui chante, elle me ronge de l'intérieur, elle me hante. Et cette petite voix dans la tête qui chante, elle me ronge de l'intérieur, elle me hante. Et cette petite voix dans la tête qui chante, elle chante, et elle me ronge de l'intérieur.